Dieu la mine, t'es là sur une toile, souris bêtement. Tu m'inquiètes front contre front, je me sens bête subitement. Je suis fort absent à ton enterrement, je suis pas méchant, je suis reconnaissant. T'as même pas rien fait, t'as tout fait pour que je fasse rien, c'est différent. Ça parle beaucoup trop, mais ça agit pas souvent. J'ai le coup de poing d'une revanche, te laisse tes contusions. J'aime pas tous ces nègres qui parlent en toute la famille. Jamais tu connais. Jamais tu connais. J'aime pas tous ces nègres qui parlent en toute la famille. Moi non plus. Eh, the vie, sinon quelle vie? Loin des yeux, pas de la chatte, je te parle par vite en lurcé. Avant j'te ken dur kilo aussi, ça vient de partout comme couteau en suisse. J'baisse pas de bitch en gros polo, compte certifié, j'prends pas de risque. J'fais des promesses que je ne tiens pas, non. J'donne des RDB mais j'suis un panneau. J'te mets des doigts mais j'te baisse pas, non. En gros ce que j'aime c'est que j't'aime pas, non. J'parle de vite, de schneck, de piste que j'baisse, de weed qui me verse mon coup si t'aimes pas, non. J'suis aussi direct, j'joue le slip, j'en même si j'sais que tu connais même pas, non. On est pas cousin ta daronne, j'appelle tantine par respect pour la ronda donc. Mais pas genre d'amso, c'est le sang, c'est la mif, c'est l'aigre, on se connaît même pas, non. Ça parle beaucoup trop mais ça agit pas souvent. J'ai le coup de poing d'une revanche, te laisse tes contusions. J'aime pas tous ces nègres qui parlent en suite de la famille. Jamais tu connais. Jamais tu connais. J'aime pas tous ces nègres qui parlent en suite de la famille. Moi non. Elle est bonne mais pas à marier. Viens enregistrer sans qu'elle mette bande sans jamais.